Cours numéro 2. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. On continue la lecture de ce livre لطائف المعارف de l'imam Ibn Rajab rahimahullah. Dans le درس précédent on a lu المجلس الأول et la première assise sur les bienfaits du siyam. Et après avoir lu le premier majlis, le premier chapitre, les bienfaits du siyam, on a vu que c'était tayyib de lire tous les chapitres avant Ramadan. Si on finit au début de Ramadan, la première semaine, inshallah, il y a 6 majlis, 6 assises, 6 chapitres. On essaiera de faire un cours, une assise. Birtisar, nous, ensemble, comme on a fait le premier cours, on lit des passages, on résume, on lit l'essentiel. Et il y a que pour comprendre Mourad Hadha l'imam, rahimahullah. Et on en précise, Hadha al-kitab, al-Hafid ibn Rajab, rahimahullah, il ne va pas expliquer, détailler ahkam al-siyam. Ce n'est pas un livre de fiqh. Est-ce que tu as le droit de faire telle chose, de ne pas faire telle chose? Les points qu'on a étudiés ensemble, fi amdat al-ahkam ou fi al-murakhas al-fiqhi de Charles Fawzan, là. Ce livre, c'est surtout des nasa'ih, mawa'id, pour se rappeler, c'est pour s'encourager. Et on le lit ensemble. Et après, ça complète. Les anna Ramadan, tu as deux choses. Bien sûr, tu as l'intention, c'est fondé sur la sincérité et l'akhiré. Thumma, tu as des comportements à avoir. Ça, c'est la première chose. Certains comportements, une façon de se comporter pendant Ramadan et kadhalik, autre que Ramadan. Et fi Ramadan, kadhalik, tu as des ahkam. Tu as des ahkam, tu dois manger jusqu'à telle heure, tu n'as pas le droit de manger de telle à telle heure. Il a akhiré. Est-ce qu'on a étudié ensemble dans Umdat al-Ahkam et dans Al-Mulakhas al-Fiqhi de Cheikh al-Fawzan. Mais هذا الكتاب c'est autre chose. هذا التنبيه c'est important hatta ceux qui nous écoutent là يظنون أن on va expliquer un kitab de fiqh, on va expliquer comment faire siyam ila akhirih. Là, même si Al-Hafid rahimahullah cite bien sûr quelques points, lakin comme on a vu ensemble le premier cours, c'est surtout des nasa'ih. قال المجلس الثاني. Donc la deuxième assise, قال في فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن. أي les mérites d'être généreux pendant ce mois رمضان et كذلك la lecture du Coran. قال رحمه الله وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فالرسول صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث العظيم qui est cité dans صحيح البخاري صحيح مسلم d'après ابن عباس رضي الله عنهما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم c'était أجود الناس, c'était l'être humain le plus généreux عليه الصلاة والسلام. Et puis Ramadan, il était encore plus généreux. كذلك, أن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان, il faisait beaucoup plus d'efforts في القرآن. فلهذا جبريل عليه الصلاة والسلام كان يدارسه القرآن في رمضان. أي يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. Et avant sa mort, جاء في الحديث الآخر, ils ont étudié le Coran deux fois ensemble dans le mois de Ramadan. Ça nous montre que ce mois, le grand mubarak, le musulman doit faire des efforts dans le Coran. Et cette ibadah grande, la lecture du Coran et la compréhension du Coran, on doit faire plus d'efforts dans Ramadan par rapport aux autres mois. قال وخرجه الإمام أحمد بزيادة في آخره وهي لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. الجود هو سعة العطاء وكثرته. C'est ça le jud. Il traduit par la générosité. قال والله تعالى يوصف بالجود بل بعضهم يثبت اسم الجواد لله عز وجل. فلا شك أن صفة الجود ثابتة لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى كريم جواد. فالجود, c'est quoi le jud? La générosité en arabe, سعة العطاء, celui qui donne beaucoup. وكثرته, et il donne beaucoup et souvent. Quelqu'un de généreux. فهذه الصفة, on doit l'avoir في الحقيقة دائما. Ne pas oublier nos frères muslimoun, khasatan al-du'afa, al-fuqara, ila akhire, et fi ramadan akthar. Qala, walamma kana Allahu azza wa jal qad jabala nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam ala akmal al-akhlaq wa ashrafiha, kama fi hadith Abi Huraira رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث لأتمم مكارم الأخلاق وهذا الحديث إليه ثابت beaucoup de chaînes de transmission في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى l'a envoyé pour ليتمم مكارم الأخلاق pour parfaire les bons comportements. Ça c'est من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وذكره مالك في الموطأ بلاغا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس كلهم. La personne la plus généreuse c'est le prophète صلى الله عليه وسلم. قال وكان جوده بجميع أنواع الجود من بذل العلم والمال وبذل نفسه لله تعالى في إظهار دينه وهداية عباده. Et ça c'est très très important يا إخوان. Ne pas comprendre أن الجود, la générosité, c'est que l'argent. Tu peux être généreux, bien sûr, avec ton argent, mais il n'y a pas que ça. فَلِهَذَا قَالَ الْحَافِدِ بْنُ رَجَبْ رَحِمَهُ اللَّهِ مِنْ بَدْلِ الْعِلْمُ وَالْمَالِ. La générosité, c'est le fait de donner de l'argent, bien sûr, à tes frères musulmans qui ont besoin, إِلَىٰ آخِرِهِ. Et كَذَلِكْ بَدْلِ الْعِلْمِ. Et في الحقيقة, donner du ilm, c'est un fait. لأن l'argent, Allahu a'lam, ce pauvre, est-ce qu'il va utiliser cet argent في الخير, أم في الشر. على كل حال نحن على الظاهر ولاد. Est-ce que ça va être un bien pour lui إلى آخره؟ الله أعلم بهذا. أما العلم c'est que du bien. فلهذا ne pas oublier. لأن بعض الناس ils ont pas d'argent, ils pensent qu'ils ne peuvent pas faire de bien, ne pas aider les autres. Ils pensent que l'aide c'est que l'argent. لا أعظم ما يتعاون فيه c'est العلم الشرعي. فلهذا et on est tous concernés par là, les connaissances, les efforts qu'on fait, fait l'ilm, les choses qu'on apprend, on doit les partager. Et on fait attention, on a à deux excès, deux extrémités. Ne pas dépasser les limites et s'avancer dans des choses qu'on ne maîtrise pas et vouloir faire da'wah dans des choses qui ne sont pas dans notre niveau. Enfin, là, c'est un bab fasad, c'est un bab fitna. Il y en a celui qui parle bila ilm ou qui se lance dans une chose qu'il ne maîtrise pas, il fera beaucoup de mal. كذلك on fait attention à l'autre extrême, on sait des choses là qui ne nous montrent pas, on ne parle pas, alors qu'on a le qudra, alors qu'on peut. Des choses simples. Tu expliques maintenant à tes proches. Ma'na la ilaha illallah, fadl la ilaha illallah. Tu leur montres des ahkam fil Qur'an que tu as appris. Tu résumes maintenant les durus que tu as appris avec des hadiths. Anna, tu as le droit de faire telle chose, tu n'as pas le droit de faire telle chose, c'est mieux de faire telle chose. Ça, c'est minbab da'wa. Que ce soit avec des traductions, que ce soit en propageant, que ce soit à tes proches. هذا سنافع جدا. Et ça c'est من الجود. Et في رمضان on doit faire encore plus d'efforts في هذا. قال وبذل نفسه لله تعالى في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق. نعم. Essayez de montrer le bien aux gens. من كل طريق. Bien sûr مشروع. من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم. Ça peut être en nourrissant des pauvres. Et كذلك ça peut être en faisant نصيحة aux ignorants. هذا من الجود لكن beaucoup de nous on est négligent في هذا. قال وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم. قال ولم يزل عليه الصلاة والسلام على هذه الخصال الحميدة منذ نشأ ولهذا قالت خديجة في أول مبعثه والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. تقدم معنا هذا ولله الحمد على كلمة كنا فسر أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. Ça, ça montre que c'était au début de la révélation. Le Nabi sallam, il venait de recevoir la révélation la première fois et Khadija رضي الله عنها l'a décrit. Et avant la révélation, comment il était? Ça montre que le Nabi sallam, cette sifa, il l'a toujours eu. Min Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours été généreux. Avant la révélation, et bien sûr, quand il est devenu prophète, أكثر. فلهذا قال الحافظ ثم تزيدت هذه الخصال فيه بعد البعثة وتضاعفت أضعافا كثيرة. Quand c'est devenu un nabi, un rasoul عليه الصلاة والسلام, فلا شك il était encore plus généreux. قال وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. النبي صلى الله عليه وسلم c'était la meilleure des personnes عليه الصلاة والسلام وأشجع الناس c'était la personne la plus courageuse et c'était أجود الناس la personne la plus généreuse. ثم قال وكان جوده صلى الله عليه وسلم on traduira plus ce mot الجود c'est la générosité أي كثرة الإعطاء العطاء وكان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف في شهر رمضان على غيره من الشهور كما أن جود ربه يتضاعف فيه أيضا فلهذا شهر رمضان c'est un شهر مبارك أن الحسنات تضاعف faire du bien في رمضان c'est mieux que les autres mois. Prends l'exemple de la nuit du destin, Laylatul Qadr. Khayrun min alfi shahr. C'est mieux que mille mois. Barakatun fi Laylatul Qadr et fi Ramadan kulli. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait encore plus d'efforts fi hadha. Qala fa inna Allah jabalahu ala ma yuhibbuhu min al akhlaq al karima wa kana ala dhalika min qabl al bi'tha kama taqaddam ma'ana. Thumma kana ba'da al risala جوده في رمضان أضعاف ما كان قبل ذلك فإنه كان يلتقي هو وجبريل عليه السلام وهو أفضل الملائكة وأكرمهم ويدارسه الكتاب الذي جاء به إليه وهو أشرف الكتاب الكتب وأفضلها وهو يحث على الإحسان ومكارم الأخلاق. C'est pour ça que في رمضان جبريل y visitait le prophète صلى الله عليه وسلم et ils étudiaient le Coran al-Karim. Afdal al-Bashar, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des êtres humains, avec Afdal al-Malaika, avec le meilleur des anges, Jibril alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Qala wa qad kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hadha al-kitab lahu khuluqan, bihaythu yarda li ridah, wa yaskhat li sakhatih, wa yusari ila ma hatha alayh. Kana khuluquhu al-Qur'an, كما قالت عائشة رضي الله عنها. Le comportement du prophète صلى الله عليه وسلم c'était le Coran. أي, son comportement il était fondé sur le Coran. فلهذا قال الحافظ ابن رجب يحث بحيث يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. نعم. أي, il appelait à appliquer les ordres qu'il y a في القرآن إلى آخره. Et il aimait ceux qui appliquaient هذا القرآن, qui appliquaient التوحيد إلى آخره. Et il mettait en garde contre ce que le Coran il a mis en garde. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde dans le Coran, min shirk ila akhirih, et il détestait fillah alayhi salatu wa salam. Fa khuluquhu c'était le Coran. Et on a nabbah anna al-ba'd yaqulun anna le prophète kana Coran yamshi, c'est un Coran qui marchait, wa hadha fihi nadhar. Limadha li anna al-Coran c'est min kalamillah, et kalamullah c'est sifa min sifatillahi azza wa jal, fa la yambaghi hadha. فلا ينبغي هذا. فسي on l'a déjà dit, c'est un خطأ. Et ننصح الإخوة de ne plus employer هذا. لا. On fait attention, on reste avec الألفاظ que العلماء que السلف ils emploient. فعائشة رضي الله عنها قالت كان خلقه القرآن. أما أنه c'est un Coran qui marche, هذا il n'y a pas de دليل, فأون دلس أحسن. قال ويمتنع مما زجر عنه فلهذا كان يتضاعف جوده وإفضاله في هذا الشهر لقرب عهده بمخالطة جبريل عليه السلام وكثرة مدارسته له هذا الكتاب الكريم الذي يحث على المكارم والجود ولا شك أن المخالطة تؤثر وتورث أخلاقا من المخالط تستفيد من هذا أن les efforts qu'on fait في القرآن que ce soit في رمضان ou في غير رمضان et في رمضان أكثر on doit donner de l'importance à la compréhension. لماذا لأن pour appliquer ce qu'on lit أما le fait de le lire ثم de le خالف هذا c'est pas le but, c'est pas طيب هذا يضر. Enfin, on doit faire des efforts في رمضان. Bien sûr on doit donner une grande partie de nos journées à التلاوه, la récitation, لأن il y a un أجر عظيم et c'est ça fait partie de sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam et c'est manhaj al-salaf. Et كذلك on doit donner du temps à la compréhension. Walaw les sourates qu'on récite souvent au départ. Hatta nafham wa lillahi alhamd. Il y a plusieurs livres fi hada. Wa min ahsan al-kutub fi hada pour le débutant, tafsir al-Sheikh al-Sa'di rahimahullah. Il est nafi' jiddan, mukhtasar et il est très très simple. Et nas'al Allah subhanahu wa ta'ala al-i'ana pour qu'on commence un jour l'étude de هذا التفسير. قال رحمه الله وفي تضاعف جوده صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فوائد كثيرة. Et pourquoi un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est encore plus généreux fi Ramadan? Il y a des fawaïd, des leçons à tirer min hada, des points importants. Qala minha sharafu zaman wa mudha'afatu ajri al-amal fihi. Wa fi Tirmidhi an Anas marfu'an afdalu sadaqati sadaqatun fi Ramadan. هذا الحديث إلى ضعيف ضعفه الشيخ الألباني. La meilleure des sadaqas c'est sadaqa pendant Ramadan. لكن لا شك أن العمل الصالح في رمضان vu que c'est un moment où il y a de la baraka et c'est le meilleur mois عند الله سبحانه وتعالى, فلا شك أن celui qui multiplie les œuvres, فإن شاء الله تعالى la récompense elle est أكثر. Bien sûr par rapport à la niyya, et il y a des hadiths, on a les 10 dernières nuits encore plus, et Inch'Allah, on lira ensemble dans une des assises que Al-Hafidh il a cité, rahimahullah, un chapitre sur les 10 dernières nuits. قال ومنها إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعتهم فيستوجب المعين لهم مثل أجرهم. صحيح. أن كذلك من الجود أي aider les autres, que ce soit في العلم. مثلا, tu aides ton frère à étudier des abouab de fiqh fi Ramadan. Enfin, tout ce qu'il applique, tu as la récompense. Ou tu aides ton frère, mathalan, à jeûner. Comment tu vas l'aider à jeûner? Mathalan, ouais, il n'a pas les moyens de s'acheter de la nourriture. Enfin, anta, tu lui conseilles de jeûner, de patienter, et le soir, c'est toi qui lui payes sa nourriture. Enfin, tu as l'ajr, ajr azim, jiddan. Et ça, c'est min al-ta'awun. Enfin, que ce soit al-ta'awun fil ilma ou al-ta'awun avec l'it'am, فلي دو سمنا الجود. قال كما أن من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه في أهله فقد غزا. كذلك celui qui aide un mujahid في سبيل الله à s'équiper et l'akhirer pour faire le jihad في سبيل الله, فإلى la récompense du jihad. فهكذا celui qui aide quelqu'un à faire الصيام, فإلى la récompense. قال وفي حديث زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. خرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الإمام الألباني رحمه الله. Celui qui aide un muslim qui lui offre son repas pour rompre le jeûne, فله مثل أجره, il a la même récompense que lui. La récompense de son jeûne. C'est pour ça que Al-Salaf faisait beaucoup d'efforts fi hada al-shahr. Ay min hayth al-jud, la générosité. Qala wa minha, ay parmi les fawaid d'être généreux fi hada al-shahr, anna shahr Ramadan shahr yajud Allah fihi ala ibadihi bil rahma wal maghfira wal 'itq min an-nar la siyama fi laylat al-qadr. On a beaucoup de adilla fi hada, des ahadith. Dans toutes les nuits, أن الله سبحانه وتعالى يعتق من يستحق النار في هذا الشهر. قال والله تعالى يرحم من عباده الرحماء كما قال صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء. أي الله سبحانه وتعالى يسوف beaucoup de personnes من النار dans ce mot. لماذا؟ لأن الله سأرحم الراحمين. فكذلك أنت أخي الكريم, tu fais des efforts pour aider tes frères musulmans في هذا الشهر. Et ceux qui ont de la miséricorde envers leurs frères, فالجزاء من جنس العمل. أي الله سبحانه وتعالى يرحمهم. قال فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل والجزاء من جنس العمل. C'est une cause pour que Allah te pardonne, لأن tu es miséricordieux envers tes frères, tu les aides. Et كذلك c'est une cause pour qu'Allah te donne, لأن si tu donnes, Allah te donne. فلا تخف, لا تخف, الصدقة يجو خير. Et on a déjà précisé que l'insan fi hada le juste milieu. La yukallif nafsa, il donne plus que ses moyens. Et kadalik la yibkhal. S'il donne un peu, ça va être cause qu'il aura plus. Là, le juste milieu, c'est tayyib dans toute chose. قال ومنها أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة كما في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصال بالليل والناس نيام. نعم, والمحقق إلى رابورتين الحديث إلى الصحيح عن ابن عمر كما قال الإمام الذهبي رحمه الله. Cette récompense, c'est pour qui? أي دمور في الجنة غرف يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. أي des maisons de l'extérieur, tu vois l'intérieur, de l'intérieur tu vois de l'extérieur. أي des demeures jumilles. C'est pour qui ils ont demandé يا رسول الله قال لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام. أي il aide les autres à rompre leur jeûne. كذلك il fait الصيام et كذلك il fait الصلاة بالليل alors que les autres ils dorment. فهذا c'est un فضل عظيم. وهذه الخصال كلها تكون في رمضان فيجتمع فيه للمؤمن الصيام والقيام والصدقة. صحيح أن في رمضان tu as les trois. Tu as al-siyam, bien sûr, tu jeûnes pendant tout le mois. Kadhalik, tu as al-qiyam. Walillahi alhamd, al-muslimoun, ils donnent beaucoup d'importance à tarawih. Que ce soit les hommes au masjid, que ce soit les femmes, kadhalik, si elles vont au masjid, ou elles font chez elles, ou un homme qui ne peut pas aller au masjid, il fait chez lui. Ne pas négliger hadhihi al-ibada azim. Pourquoi? La récompense, elle est énorme. Qala, rahimahullah, والقيام on l'a dit pour صلاة التراويح والصدقة كذلك tu as une صدقة à la fin de Ramadan qui est واجبة pour tout le monde grand petit إلى آخر صدقة الفطر et on l'a expliqué ولله الحمد dans les doros qu'on a fait في الصيام. Le mois de Ramadan tu as les trois عبادات الصيام والقيام والصدقة la صلاة كذلك faire صلاة la nuit jeûner la journée et صدقة aider les pauvres. قال فإنه وطيب الكلام فإنه ينهى فيه الصائم عن اللغو والرفث كذلك dire des bonnes paroles. فلهذا le jeûneur il a pas le droit de dire des paroles futiles من باب أولى du mensonge ou de la namima. في الحقيقة هذا c'est pas que pour الصائم c'est pas que pour le jeûneur لكن في الصيام أكثر et هكذا en état d'ihram أكثر pour celui qui fait le hajj ou l'umrah. قال ومنها parmi les فوائد أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في التكفير في تكفير الخطايا واتقاء جهنم والمبعد عنها وخصوصا إن ضم إلى ذلك قيام الليل. Trois choses في الحقيقة c'est des causes pour تكفير السيئات. La récompense elle est énorme et كذلك pour t'effacer tes péchés أخي الكريم. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الصيام جنة وفي رواية جنة أحدكم من النار كجنته من القتال. أي الصيام جنة. C'est quoi جنة? C'est une protection. Comme le muqatil il se protège avec une armure, avec un bouclier, فهذا الصيام c'est une protection pour toi أخي الكريم contre النار. C'est pour ça que جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن من صام يوما في سبيل الله أبعد الله وجهه من النار 70 خريف أي 70 عام. Celui qui jeûne un jour fi sabilillah, Allah, il éloigne son visage de l'enfer, du feu, 70 ans. Ça nous montre que le siyam, c'est une protection contre le feu. Allez, hada, on ne doit pas négliger, bien sûr, siyam Ramadan, c'est un rukm, un arkan islam, c'est un pilier, c'est obligatoire. Et kadalik, on ne doit pas négliger de faire des jours durant l'année. Même si ce n'est pas obligatoire, pense à ce genre de hadith. Et fais attention à une shubha que Iblis il a répandu dans beaucoup de cœurs. Anna al-Ba'd ils disent mais c'est pas obligatoire. Ta'lamoun anna al-Ba'd ils font walillahi alhamd les 30 jours faqat. Les 6 jours de Shawwal ils le font pas, ba'dhum ils font pas Ashura, ba'dhum ils font pas le jour de Arafah. Alors que le jour de Arafah ça efface les péchés d'une année. Et de l'année suivante, le siyam de jour de Ashura. En fait, c'est un fadl azim. Un jour ça t'efface les péchés d'une année. Ou de deux années, l'année en cours et l'année suivante. Et l'ulama ils disent, bien sûr, c'est les petits péchés, mais les grands péchés, il faut tawba. Lakin, combien de petits péchés on fait tous les jours? Enfin, ne pas négliger Allah. Et c'est pas obligatoire. Et celui qui ne les fait pas, enfin, il n'a pas commis de péché. Lakin, la tuhrim nafsak. Enfin, fais attention à cette ambiguïté. Iyadam billah, c'est une ruse d'Iblis, il veut nous faire croire, on fait que l'obligatoire. C'est pour, fil haqiqa, t'écarter du bien. Amma, les 6 jours de Shawwal, c'est comme si t'as jeûné. C'est comme si t'as jeûné 60 jours. 6 jours multipliés par 10. Ça fait 60 jours, ça fait 2 mois. 6 jours, c'est compté 2 mois. Le mois de Ramadan, 1 mois, c'est compté 10 mois. 1 mois, il est multiplié par 10, c'est compté 10. Tu rajoutes les 6 jours de Shawwal, c'est 60 jours, ça te fait 2 mois. Ça te fait 12 mois, ça te fait l'année complète. Et taqaddam ma'na al-hadith anna Allah, s'il veut multiplier à quelqu'un 700 fois ou plus, wa fadlullah wasi'. Voilà, ça nous montre qu'on doit faire attention, ne pas perdre notre temps dans des choses futiles et ne pas se priver du bien seul. Khassatan fi ayyam shita. Khassatan en hiver. C'est très très simple. Falihada jaa fi al-hadith anna as-siyam fi ash-shita al-ghanima al-barida. C'est quelque chose de très simple. C'est une ghanima. Al-ghanima, c'est le butin. Le butin, en général, c'est pour avoir le butin. Un butin, c'est fil qital. Il faut faire le jihad, combattre. C'est, ça demande un effort. Al-siyam fi shita, tu as un butin azim, une récompense énorme. Et c'est très très simple. Les ma'adha liyanna, il fait frais. Et la journée, elle est très courte. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala tawfiq. Qala. وفي حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة quand tu fais une صدقة, tu aides un pauvre, ça éteint tes péchés comme l'eau, elle éteint le feu. فضل العظيم, c'est cette niya qu'on doit avoir, c'est cette niya. Et sache que si tu donnes à Allah subhanahu wa ta'ala, il te remplacera par quelque chose de meilleur. قال ومنها أن الصيام لابد أن يقع فيه خلل ونقص وتكفير الصيام للذنوب مشروطا بالتحفظ مما ينبغي التحفظ منه كما ورد ذلك في حديث خرجه ابن حبان في صحيحه وعامة صيام الناس لا يجتمع في صومه التحفظ كما ينبغي. Et ça, c'est un point important. أن quand on fait الصيام, صيام رمضان, لا شك أن on a des manquements, لا شك أن on a des choses, on ne les fait pas comme il faut, إلى آخره. Et هذا, c'est le cas de la plupart des personnes. قال ابن رجب رحمه الله ولهذا نهي أن يقول الرجل صمت رمضان كلها وقمت كلها فالصدقة تجبر ما فيه من النقص والخلل ولهذا وجب في آخر شهر رمضان زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. C'est pour ça qu'Allah سبحانه وتعالى شرع زكاة الفطر à la fin. لماذا؟ لأن cette صدقة بإذن الله عز وجل سوف permettre de compléter les manquements que tu as eu pendant le mois. Enfin, celui qui fait beaucoup de sadaqa, fala shak annahu ça va compléter ses manquements et ses fautes بإذن الله عز وجل elles seront pardonnées. La cause, c'est cette sadaqa. قال ومنها أن الصائم يدع طعامه وشرابه لله فإذا أعان الصائمين على التقوي على طعامهم وشرابهم كان بمنزلة من ترك شهوته لله وآثر بها أو واس منها. هذا تقدم معنا أن إلاد صنفقير مسلم أفرق الصيام. هذا فضل عظيم. قال وله فوائد أخرى أو أخر. قال الشافعي رحمه الله أي الفوائد d'être généreux pendant الصيام. Il a cité plusieurs points, ثم il va citer d'autres avec la parole de l'imam الشافعي رحمه الله. قال رضي الله عنه أي الإمام الشافعي أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. Et ça, c'est un point important. أن être généreux dans ce mois, c'est prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Et il a été généreux, qu'on fait des efforts pour être généreux. Cette intention, il y a une énorme récompense. C'est pas pour se montrer. C'est pas parce que les gens, c'est devenu une coutume, pendant Ramadan, les gens ils donnent au majid, je donne parce que les autres ils donnent là. Tu donnes l'Illahi Azza wa Jal. Et tu donnes parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il donnait. Et parce qu'il y a un énorme bien. Qala, wa li hajati an-nas fihi la masalihihim wa at-tasha'ul kathir minhum bis-sawm was-salat 'an makasibihim. Sahih, anna al-ba'd rubbama pendant siyam, ils ont du mal. Pendant Ramadan, ils ont du mal à trouver du travail. Ou ils n'ont pas la capacité de travailler. Les ma'ad aliyannahum, ils ont faibli à cause de Ramadan. Fa anta tu l'aides fi hadha al-hal. قال وكذا قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا أيضا ودل الحديث أيضا على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له أساس الطيب المدارسة أي lire le Coran et étudier هذا القرآن avec ses élèves, avec ses amis. كذلك réciter le Coran sur quelqu'un qui connaît mieux le Coran. Et ça, c'est مهم. Et tu as un dalil, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam كان يدرس القرآن مع جبريل عليه الصلاة والسلام. Avoir un mudarris fil Qur'an, un sheikh, un ustad, un frère qui te corrige, c'est tayyib. Qala rahimahullah, in ar-rajul idha salla ma'a al-imam hatta yansarif kutiba lahu baqiyatu laylatihi kharrajahu ahlu as-sunan wa hassanahu الترمذي وهذا يدل على أن قيام ثلث الليل ونصفه يكتب به قيام ليلة لكن مع الإمام نعم كما جاء في الحديث حتى ينصرف الإمام كتب له ماذا قيام ليلة أي celui qui fait salat tarawih لكن il fait salat avec l'imam jusqu'à ce que l'imam finisse فهذا يكتب له أنه il a fait la nuit entière en salat. وكان الإمام أحمد رحمه الله يأخذ بهذا الحديث ويصلي مع الإمام حتى ينصرف ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام وقال بعض السلف من قام نصف الليل فقد قام الليل أما سليمان فك 11 ركعة فالحمد لله في السنة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 11 ركعة في رمضان أو في غير رمضان النبي صلى الله عليه وسلم il ajoutait pas plus de 11 raka'a, que ce soit Ramadan ou fi ghayr Ramadan. Et dans un autre hadith, 13, fi hadith Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, 13. Et c'est ça, c'est sunna. Lakin, si l'imam y fait plus, fa alladhi yadhar, comme on a expliqué avant dans les durous, fi al-mulakhas al-fiqhi de Cheikh al-Fawzan, le chapitre de Tarawih, anna si l'imam y fait plus, fa la mani. Li anna l'afdol, c'est de faire 11. Ça ne veut pas dire que dépasser 11, c'est une bid'a. Allah sahih. À dépasser 11, c'est pas une bid'a. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala salatu matna matna. Et tu as remarqué que Aïcha radiallahu anha qalat annahu il dépassait pas 11 raka'a. Et fi hadith ibn Abbas, 13. Donc ça montre hada 11 ou 13, c'est le mieux. Wa illa si l'imam il fait plus, et wahad il fait derrière l'imam 22 ou plus, et il a 7 niyah. أنه يفخر صلاة avec l'imam حتى ينصرف وبقى قيام الليل فلا ينكر عليه لا ينكر عليه on peut pas lui dire أنه il a fait une bid'a أنه il doit pas faire derrière l'imam si l'imam dès qu'il arrive à 11 on sort mais l'avdol on répète c'est que l'imam il fait 11 ou 13 et il allonge la lecture حتى ça prend une partie de la nuit خاصة les deux dernières nuits لكن تعلمون أنه vient une époque الآن أن الناس ضعفاء ne peuvent pas patienter si les rak'at elles sont longues. فلهذا كثير من الأئمة كسسوا حرم مكة والمدينة وأخرى يفون دي ركعات plus courtes لكن يفون beaucoup plus de ركعات pour que ça tient une partie de la nuit ففي الحقيقة هذا لا بأس et أئمة علماء كبار ils ont fait ces fatwas كالشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين والشيخ صالح الفوزان وغيرهم من أئمة السنة فالحمد لله الأمر لواسع. قال ومن أراد أن يزيد في القراءة ويطيل وكان يصلي لنفسه فليطول ما شاء. Celui qui fait الصلاة tout seul, لأن ça arrive. التراويح c'est mieux في المسجد. لكن si واحد un jour il fait chez lui pour une raison quelconque, فهذا ولله الحمد il est compté avoir fait قيام الليل. فهذا s'il est tout seul il a la capacité de lire longtemps, فالحمد لله. قال كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من صلى بجماعة يرضون بصلاته كذلك celui qui est imam et il sait que s'il rallonge il lit longtemps et alhamdulillah les musallons derrière lui ils sont contents ils veulent qu'il lise longtemps فيتوكل على الله et il lit pendant un certain moment خاصة les deux dernières nuits. أما si c'est l'imam et derrière lui ceux qui font salat c'est des personnes qui ont atteint un certain âge, des awam qui n'ont pas l'habitude, fafi hadha al-hal yakhtasir al-qira'a et inshallah il est ma'jour et il essaie de les conseiller khasatan les 10 dernières nuits annahum yasbirun lana les 10 dernières nuits c'est une sunna et il va lire un peu plus longtemps et celui qui est fatigué yajouzoula de s'asseoir limadha li'anna at-tarawih c'est une nafila, c'est pas obligatoire, donc les salats qui sont pas obligatoires ma'loum anna c'est permis de s'asseoir même si tu n'es pas fatigué. Mais ben, si tu es fatigué, on conseille nos frères de montrer au awam s'il est fatigué, il a le droit de s'asseoir sur une chaise ou par terre. Alhamdulillah, il a l'ajr. Il a l'ajr azim, khasatan si il n'a pas les capacités de se mettre debout. Mais celui qui a la capacité de se mettre debout, fa afdal, la récompense elle est plus grande que si il s'assoit. قال وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل ثلاث ليالي. L'un, il va citer certains salafs, le comportement qu'ils avaient fi hada ash-shahr avec le Coran. Certains salafs, ils finissaient le Coran toutes les trois nuits. Radiyallahu anhum. قال وبعضهم في كل سبع certains le finissaient en une semaine. قال منهم قتادة وبعضهم في كل عشر certains finissaient le Coran tous les 10 jours. منهم أبو رجاء العطاردي وكان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها كان الأسود يقرأ القرآن في كل ليلتين في رمضان الأسود رحمه الله يفنس القرآن tous les 2 jours في رمضان ça nous montre qu'on a في هذا الشهر on doit multiplier les efforts في هذا قال وكان النخعي الإمام إبراهيم رحمه الله يفعل ذلك في العشر الأواخر منه خاصة ça nous montre que les 10 dernières années on doit encore plus maintenant peut-être que le Coran tu vas le finir les 10 premiers jours. Thumma, la deuxième dizaine, peut-être que tu vas finir le Coran et tu vas rajouter. Thumma, peut-être les 10 derniers jours, tu vas pouvoir le finir 2 fois ou akta. Celui qui peut. Et l'essentiel, c'est d'avoir une bonne niyya et de faire des efforts. Ahamshay, on ne tombe pas fil ghafla. Ramadan et en dehors de Ramadan, c'est la même chose. Ba'd al-nas, Allah subhanahu wa ta'ala, l'hidayah lil-jami'a. Il faut Ramadan et il ne lise pas une lettre. Ah, c'est un taqsir kabir. Là, même si on n'arrive pas à faire comme Haoula Salaf, ça doit être nos modèles. Si eux, ils arrivaient une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours, une fois tous les 10 jours, nous, si on arrive une fois dans le mois, alhamdoulilah, celui qui peut plus, celui qui fait un peu moins, alhamdoulilah, à la kulihal, on essaye de se fixer ses objectifs et on pense à la récompense. N'oubliez pas, chaque lettre dit hasana. N'oubliez pas, on a une face, c'est 5000 hasana, taqriban. N'oubliez pas, on a une waraqa, c'est 10000 hasana. Ma balouk le Coran entier. C'est des millions de hasanat fil haqiqa. Et ma hada, ça adoucit les cœurs et tu vas apprendre des choses et tu demandes, tu recherches si tu n'as pas compris un verset. Anour, nour ala nour. Qala, wa fil ashr al awakhir kull layla, et qatada. Qatada kana yakhtim fi kulli sab' da'iman. Ta'ammal hada. Tous les 7 jours, ils finissent le Coran toute l'année. Et 4 fois par mois. Une fois par semaine. Qala, wa fi ramadan, 3 fois. Ou tous les 3 jours. Ou au fil ashr, une fois par nuit. Ça, c'était Hal Qatada, radiallahu anhu. Aïmat al-Salaf, ils avaient de la baraka dans leur temps. Nous, quand on réfléchit à ça, on se demande comment ils faisaient. Haoula, ils étaient mariés, ils avaient des enfants, ils allaient au masjid. Ba'dhum, ils avaient des commerces. Ba'dhum, ils faisaient le jihad. Ba'dhum, des doros. Ba'dhum. Et le baraka. Nous, ce qui nous fait du mal, c'est qu'on se met des bâtons dans les roues nous-mêmes. Avant de commencer, on dit, c'est pas possible, ça va être dur. Et le shaitan, il en profite. Tawakkal Allah. Ouvre le mushaf et tu verras. Ouvre le mushaf et commence. Et tawakkal Allah. Et lis. Tu verras. Premier jour, ça va être au bout de quelques pages. Tu vas te fatiguer, c'est normal, tu n'as pas l'habitude. Et à force, tu verras que tu liras beaucoup de Qur'an. Bi'idnillahi azza wa jal. Qala wa kana li shafi'i fi ramadan. Sittuna khatman yaqra'uha fi ghayri salat. Aïda, thabata hada, masha'Allah. 60 fois il finissait par Ramadan. Ça fait 2 fois par jour. Sans la salah. Ibn Rajab, il a précisé sans la salah. Ce qu'il faisait fait tarawih, nawafil, salat, c'est autre. Ça, c'est al-qira'a min al-mushaf ou par cœur, en dehors de la salat. 60 fois fi shahr. Allahu a'lam. Est-ce que c'est thabata? Et c'est pas ba'il, l'imam Shafi'i, c'était un homme pieux, rahimahullah. قال وعن أبي حنيفة نحوه كذلك يغابط عن أبي حنيفة 60 فوق وكان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضان وكان الزهري إذا دخل رمضان قال فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام سأسعني ومونت خلنا السلف في هذا الشهر يفزي بوكو دفاع في رمضان رأى في القرآن قرأت القرآن سأبخني بوكو plus de place que les autres ibadat. Wa qala Ibn Abd al-Hakam kana Malik, al-Imam rahimahullah, idha dakhala Ramadan nafara min qira'ati al-hadith wa mujalasati ahli al-ilm wa aqbala ala tilawati al-Qur'an min al-mushaf. Al-Imam Malik rahimahullah, quand le mois de Ramadan il débutait, il délaissait l'étude du hadith et il délaissait les durous et il se consacrait à la lecture du Qur'an. La mani' d'avoir des durous fil Qur'an. لكن في رمضان أقصد لا مانع de faire des doros pendant رمضان لكن on retient de cela أن التخفيف si c'est une, deux, trois fois par semaine et un dars d'une demi-heure خفيف لا بس c'est من العلم et العلم c'est du ذكر le ذكر c'est طيب في رمضان لكن on se fait de tout ça que la plupart de notre temps ça doit être في القرآن في شهر رمضان وقال عبد الرزاق رحمه الله كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن. سفيان الثوري الإمام رحمه الله في رمضان le plus qu'il faisait c'était قراءة القرآن. لماذا؟ لأن العبادة dans son moment approprié c'est أفضل. مثلا في رمضان la meilleure des عبادة que tu peux faire c'est قراءة القرآن. Ça passe avant autre chose. هذا سطيب. Ça c'est une فائدة عظيمة. On finit. قال رحمه الله واعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه. Chaque مؤمن في شهر رمضان il doit se préparer à deux jihad avec son nafs. قال جهاد بالنهار على الصيام وجهاد بالليل على القيام. نعم قلنا on finit أن في بعض المساجد أن التراويح c'est très court. On ne fait pas l'erreur de penser qu'on a fini التراويح donc on ne fait plus d'efforts. Là قراءة القرآن الأذكار إلى آخره العلم المهم الإنسان يسكب بك الطاعة. قال فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كما تقدم الصيام من الصبر. فسلوي كي فسي دو جهاد jihad de son nefs pendant la journée, jihad de son nefs la nuit, il aura une récompense min Allah azza wa jal bighayri hisab. Allah il lui donnera sans compter. Wa an Abdullah ibn Amr an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala as-siyam wal Qur'an yashfa'an lil 'abd yawm al-qiyamah yaqulu as-siyam ay rabb mana'tuhu at-ta'am wash-shahawat bin-nahar wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawm bil-layl fashaffi'ni fihi fayushaffi'an. الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. الإمام أحمد لا rapporté في المسند أن الصيام والقرآن يفقون الشفاعة يوم القيامة. pour ceux qui ont fait le siyam et qui lisent le Coran. لماذا؟ لأن هذا المؤمن il a fait des sacrifices pour faire le siyam, il a fait des sacrifices pour أنا j'ai dit pour le Coran. هنا c'est pour le qiyam. أي أنه يفي la nuit pour lire le Coran. C'est lié le qiyam au Coran. لأن القيام c'est avec la lecture du Coran. فهذه c'est une récompense énorme. قال فالصيام يشفع لمن منعه الطعام والشهوات المحرمة كلها سواء كان تحريمها يختص بالصيام كشهوة الطعام والشراب إلى آخره. قال أو كشهوة فضول الكلام المحرم والنظر المحرم والسماع المحرم والكسب المحرم. الصائم يسكت tout cela du haram. Que ce soit une parole, que ce soit un regard, que ce soit de l'argent, que ce soit de quelque chose, un acte haram, il s'écarte. قال فإذا منعه الصيام من هذه المحرمات كلها فإنه يشفع له عند الله يوم القيامة. الصيام fera شفاعة pour ce mu'min, il intercédera pour lui. لماذا؟ لأنه il a fait ses sacrifices لله. قال فأما من ضيع صيامه ولم يمنعه مما حرمه الله عليه فإنه جدير أن يضرب به وجه صاحبه. ما سلوك في الصيام لكن يسكت طبي حرام اي نميمة وغيبة نعم اي peut-être qu'il travaille dans le haram, peut-être qu'il fait pas الصلاة, peut-être qu'il fait الصيام il est في حرام dans la mixité إلى آخر عيادا بالله. فهذا كما قال الحافظ فإنه جدير أن يضرب به وجه صاحبه. يضرب به وجهه أي الصيام il est renvoyé sur le visage de celui qui l'a fait. Et ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن البعض يغنون que la faim et la soif de leur صيام. قال ويقول له ضيعك الله كما ضيعتني. قال وكذلك القرآن إنما يشفع لمن منعه من النوم بلا الليل فمن قرأ القرآن وقام به فقد قام بحقه فيشفع له. Celui qui veille la nuit pourtant il a envie de dormir, c'est pour ça que c'est un jihad. يجاهد نفسه. لماذا؟ لأنه يفلغ القرآن يلي القرآن يسفر سباسيونتي. فهذا القرآن يشفع له يوم القيامة. ثم قال رحمه الله يا من ضيع عمره في غير الطاعة, يا من فرط في شهوة بل في دهره وأضاعه, يا من بضاعته التسويف والتفريط وبئسة البضاعة. À la fin de cette assise, il fait un rappel, rahimahullah, en à ceux qui gaspillent leur temps, ils perdent leur temps. Yaman farrata fi shahr. Ayyadan billah, ba'dahum c'est que fil akl. Ba'dahum c'est que dans les sorties. Oh, ba'dahum, fil haqiqa, il n'y a aucune différence. Bel ba'dahum, wallahi, yanna fi shahr ramadan, ils font plus de péchés. Des sorties, ka'annahu, c'est les vacances. Et ils s'écartent encore plus. du masjid et du Coran ila akhir. Alors, ba'dhum la nuit, au lieu de veiller en salat, lire le Coran, ba'dhum c'est, ayyadan billah, les théâtres. Il y a beaucoup de pièces de théâtre, fi bilad al muslimin fi ramadan, la télé, ils ont des programmes spéciaux ila akhir, et ils perdent leur temps. Dans la journée, ils préparent la nourriture, et la nuit, ils mangent, ayyadan billah, ils regardent du haram ila akhir. Hada, ça fait beaucoup de mal aux musulmans. Qala, وَيَا مَنْ بِضَاعَتُهُ التَّسْوِيفُ وَالتَّفْرِيطُ. Al-bida'a, c'est les provisions. Et Ibn Rajab, rahimahullah, il montre أن celui dont les provisions, c'est التَّسْوِيفُ وَالتَّفْرِيطُ. التَّسْوِيف, c'est de dire plus tard. Je lirai le Coran demain, je lirai le Coran la deuxième semaine, je lirai le Coran les 10 dernières nuits, j'irai au masjid les 10 dernières nuits, j'irai au masjid la nuit du destin, بعضهم حتى, tout le mois ils y vont pas. C'est ça, التسويف. On fait attention, fais des efforts. توكل على الله. قال وبئسة البضاعة يا من جعل خصمه القرآن وشهر رمضان كيف ترجو ممن جعلته خصمك الشفاعة. Comment espérer que le Coran ou le Siyam fasse shafa'a pour une personne alors que cette personne, في الحقيقة, il donne aucun temps à ce Coran. Le Siyam, il le fait pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait là. بعضهم ils le font عادةً. تعلمون أن بعضهم لربما يزال له الصيام لماذا؟ لأن les gens ils font telle chose فهي سلطوريزم. ثم قال رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش وقائم حظه من قيامه السهر. عيادا بالله. Certains, qu'est-ce qui gagne de leur صيام كما تقدم معنا؟ La faim et la soif. Et qu'est-ce qui gagne de leur قيام؟ السهر. Ils se sont privés de dormir فقط. لماذا؟ لأن الأعمال سبنيات. Quand on va au masjid, que ce soit Tarawih ou autre, c'est l'illah. Mais celui qui va, il y en a dans le quartier, tout le monde va, et pour pas qu'on parle sur lui, هذا والله أنه il se fatigue. لأن الله سبحانه وتعالى غني. Il n'a pas besoin de nos œuvres. Si tu es sincère, c'est pour toi. Mais une œuvre qui n'est pas sincère, فالله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من أشرك معي غيري تركته والشرك. Celui qui fait une œuvre et il n'est pas sincère, Allah il le délaisse lui et son œuvre. فالإخلاص الإخلاص que ce soit في قراءة القرآن que ce soit في القيام que ce soit في الصيام وفي جميع العبادات. ثم قال هذا عباد الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفي بقيته للعابدين مستمتع وهذا كتاب الله يتلى فيه بين أظهركم ويسمع وهو القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع ومع هذا فلا قلب يخشع ولا عين تدمع ولا صيام يصان عن الحرام فينفع. Il cite la situation de certains musulmans. القرآن يقرأ بغير تدبر. Et le Coran il est lu, lakin peu sont ceux qui méditent. كذلك الصيام il est fait par beaucoup de musulmans, lakin peu ceux qui font صيام comme il l'a fait النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا القيام. قال ولا صيام يصان عن الحرام فينفع. الصيام العلامة pour savoir s'il est utile, c'est un صيام qui va te pousser à faire du خير et t'empêcher à faire du حرام. أما الصيام والإنسان لا يصلي ترك الصلاة من أعظم الذنوب. بل بعض العلماء لون سيت من نواقض الإسلام سأني للإسلام. فالصيام qui ne t'empêche pas à délaisser ce grave péché et l'abandon de la salat, qu'est-ce que tu espères de هذا الصيام؟ Qu'est-ce qu'ils espèrent en général هؤلاء؟ Et que les gens ils ne les critiquent pas أنهم ils font pas الصيام فقط. Est-ce que هؤلاء ils espéreront quelque chose يوم القيامة؟ C'est du دين. قال ولا قيام استقام فيرجى في صاحبه أن يشفع قلوب خلت من التقوى فهي خراب بل قعد وتراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع. Il décrit le cœur de certains jeûneurs. Vu que les dhunoub kathira avant Ramadan, pendant Ramadan, après Ramadan, ce cœur il devient très très dur et il profite pas de ce mois. تعلمون أن عند البعض ouvrir le Coran, lire une page, c'est ثقيل. Pourquoi? Alors que هؤلاء ils sont capables de rester devant la télé des heures. Ils sont capables de marcher de pour aller faire le haram des kilomètres. ويصبرون على الدنيا pendant des heures. ربما ils travaillent nuit et jour حتى في رمضان. Pourquoi une page ils ont du mal alors que une page tu la lis en 2 minutes, 3 minutes. Tu peux lire un juz en un hizb en un quart d'heure, en 20 minutes. C'est où là? ولله الحمد. لماذا ils n'arrivent pas? القلوب le qalb il devient dur et ça devient lourd. قال كم تتلى علينا آيات القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة. صحيح. Combien de versets on entend, que ce soit في رمضان أو في غير رمضان أو في رمضان أكثر, on écoute plus de Coran, que ce soit au Mejjid ou autre. لكن صحيح, les cœurs ils sont durs. لماذا لأن on doit faire des efforts dans la compréhension. Ne pas faire comme certains, ce Coran ça devient une chose qu'on accroche. Une accroche, ou le mushaf il est à la maison, il n'est pas ouvert. Ou on lit, on ne fait pas d'effort pour comprendre. Là. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Le Coran c'est le tadabbur. On doit méditer, comprendre. لماذا لأن هذا القرآن quand on le lit في رمضان ou في غير رمضان, c'est pour appliquer, ya jama'a. On ne lit pas فقط pour lire. Là, on lit bien sûr, on espère la récompense. لأن la récompense elle est azima. Et le but principal du Coran c'est de l'appliquer. Enfin, في رمضان quand on lit, on doit s'arrêter. On doit s'arrêter à un certain passage, comprendre. Est-ce que cet ordre je le fais? Est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné dans ce verset? Hatta on avance. فلهذا lire moins avec une compréhension correcte et appliquée, c'est mieux que de lire beaucoup et ne pas appliquer. As-salaf radiyallahu anhu, quand il lisait beaucoup fi Ramadan, il comprenait ce qu'il lisait. C'était des arabophones radiyallahu anhum. Et ceux qui n'étaient pas arabes à la base, ils ont appris l'arabe. قال وكم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة لا الشاب منا ينتهي عن الصبوة أي الشهوة ولا الشيخ ينزجر عن القبيح فيلتحق بالصفوة. صحيح أن النقص اللي في الشباب اللي chez les vieilles personnes, الرجال النساء, on a tous du نقص. Et الحافظ ابن رجب رحمه الله il conclut cette assise avec ce rappel. On doit faire des efforts et ce genre de rappel أحيانا سطيب. Ça nous remet en place de connaître nos manquements et quelqu'un nous montre on a des faiblesses dans ça pour se remettre en cause. قال أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله جابوا الدعوة وإذا تليت عليهم آيات الله جلت قلوبهم جلوة وإذا صاموا صامت منهم الألسنة والأسماع والأبصار أفما لنا فيهم أسوة. صحيح. On doit prendre des salaf comme exemple. Leur cœur est jeûné, leur langue elle jeûne, leurs yeux est jeûné, leurs oreilles elle jeûne, leurs mains elle jeûne. Et ils s'écartaient du haram. قال كم بيننا وبين حال أهل الصفا أبعد مما بيننا وبين الصفا والمروة كلما حسنت منا الأقوال ساءت الأعمال فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله. انتهى باختصار. نعم فالضعف إلى حاصل. Et on fait des efforts. هذا الكلام c'est pour nous, c'est un conseil. الحقيقه c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. لماذا لأن ولله الحمد on est encore en vie, c'est une force, on peut se corriger. Et si on est encore en vie pendant ce mois de Ramadan, on peut faire un Ramadan avec plus d'efforts que le Ramadan précédent. فالحمد لله المؤمن il a besoin de ce genre de rappel pour se corriger. Amma ne pas vouloir froisser les autres et ne pas appuyer où que ça fait mal et ne pas dire ce qui ne va pas, ça c'est pas une solution. L'insan il avancera jamais. Là il faut montrer les erreurs et se corriger. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala tawfiq. Et inshallah le prochain cours on lit al-majlis al-thalith fi dhikr al-ashr al-awsat min shahri ramadan. Naktafi bihada walhamdulillahi rabbil alamin.